بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهينا من الأصل الثاني. ما هو الأصل الثاني؟ الولاء والبراء الضيق. الولاء والبراء الضيق. ما معنى الولاء والبراء الضيق؟ عند من؟ البغض والحب لله. نعم، أي في أمر ضيق. ما معنى الضيق؟ غير الله. نعم، أي في شيء معين يخالف الشرع ضيق. أما الولاء البراء نحن لست الله عز وجل تسكي ونكر عبق الدين فتوالي في هذا الشيء وتحبه وتنصره وتتعاون معه لتسكي كنتخذ هذا الدين فالبراء تبغضه وتبتعد عنه وتحذر منه. أما الولاء والبراء ضيق c'est plus sur ce أصل ça va être sur une chose, sur une personne, sur un groupe autre que أهل الحق. ça va être sur un fikr. صلى الله العافية. هذا الولاء والبراء الضيق. ولله الحمد الشيخ سعيد nous a démontré أن هؤلاء وقعوا في هذا. نقرأ الأصل الثالث. قال الأصل الثالث. الأصل الأول الاجتماع. الأصل الثاني الولاء والبراء. الأصل الثالث نصرة الحق وأهله. tous ces les trois fondements خالفها عبد الرحمن. قال الأصل الثالث نصرة الحق وأهله وعدم محاربتهم والصد عنهم وعن العلم. الصد أي التحذير. الصد ستنبش يطعن في أهل الحق والخير. Et il empêche les gens de stafed minhum. C'est ça le sad. Normalement, on a ta'aoun ala l'khayr. S'il y a une erreur, on répète, montre. S'il y a un batil, montre. S'il y a un char, hadhir minhum bi'ilm. Amma al-sad, an ahl al-ilm ou ahl al-khayr. Sans aucune hujja, hada c'est un darar azim, jiddan. Qala wa al-saddu anhum. Wa an al-ilm wa al-khayr wa al-huda. Wa al-ta'an fihim. ورميهم بالأوابد والأباطيل من غير باطل ولا انحراف ولا ابتداع ظهر منهم. أي تحذير وصد وطعن وجرح سوء أدلة. فلهذا قال ولا ابتداع ظهر منهم أي سوء حق. لا يجوز هذا. باب الجرح والتعديل سبب عظيم في دين الله لكن بالأدلة. أما الطعن الإخوان الطعن أهل الحق من باب أولى الطعن في أهل العلم صو حجة صو بيان صو دليل من الضلال من علامات أهل البدع كما قال أبو زرعة رحمة الله عليه. قال من علامات المبتدعة أو أهل الأهواء الطعن في أهل الأثر. من علامات أهل الأهواء الطعن في أهل الأثر. parmi les signes que reconnaît un munharif et mubtadi yat'an fi ahli al-athar fi ahli al-hadith fi ahli al-sunnah bila bila bi ghayri haqq. ça montre qu'il est marid. wa an-nabi sallam yaqul man qala fi ahli ab man qala fi akhihi ma laysa fi askanahu Allah radghat al-khabal. celui qui dit sur son frère une chose que ce frère il a pas fait askanahu Allah radghat al-khabal. qala as-sahaba wa ma radghat al-khabal ya rasul Allah. قال عصار أهل النار. عصار أهل النار. هاي لبؤ، لا سوء، كل هذه الأشياء السيئة في أهل النار، ça va donner un fleuve. Un fleuve min dhalika al-khubth. Ta'lamoun shiddat an-nar, ceux qui vont être fin nar, sallallahu al-aviyah, il y aura de la sueur, du pu, ça va donner un sayl, wad, comme un fleuve. Celui qui dit sur son frère une chose qu'il n'a pas fait, Allah subhanahu wa ta'ala yuskinuhu fi hada al-shay. Fin nar et hada al-khubth, sallallahu al-aviyah. Celui qui dit sur son frère, un frère, ma balouk yat'an fi da'wa, yat'an des personnes, ils ont du khayr, katir min al-nas yastafidoun amin. في داخل البلاد اليمن وخارج البلاد أهل الباطل من الكفار من المنافقين من الروافد كومبات هذا الخير يتدخل هؤلاء كأنهم يكومبات كذلك يتعاونون معهم صلى الله عليه وسلم الأمر اللي خطير جدا أمر اللي بس سهل الأمر اللي بس سهل هذه الفتنة المبنية على أصول تخالف أصول أهل السنة كما نديمونتر الآن ونعرفو تخوازيم أصل فلا بيرسون يستيقظ يغس با دائما هكذا جو سي با أون ما دي فلان إلا دي تقليد هذا سي أن فوال أنتخ توا الحق تو فو كونات الحق غوشيخش الحق سا لا سوليسيون تو فو أون شوز غوشيخشو لا أما دائما فلان إلا دي جا أونتوندو أون ما دي إنترنت ما ينفع هذا ما ينفع تو فو كونات أون شوز انظر للحقائق تاع رجل عبد الرحمن العدني تنظر حقائق كيس كيلا في كيس كيلا با في وتتعلم حتى سكيلا في tu sauras que c'est grave et tu comprendras حكم اهل العلم لكن بعض الناس الان ils comprennent pas حكم اهل العلم لان ils ont pas d'ilm pour comprendre un حكم il faut avoir du ilm انت مثلا un docteur il te cite un حكم je connais rien à la médecine je pourrais pas comprendre ربما il va te citer des mots des choses انت ما تفهم tu lui fais confiance لانه c'est un docteur de confiance أما دي شوز كي تدي تو كومبران با بعض الناس كلام اهل العلم اللي كومبران با قد يقول قائل مي يا دي بيرسون اي اي كونتروديز اي زون دو علم يا دي زوت اسباب يا سكون ابل الحسد لا جالوزي يا سكون ابل بعض الناس يبان كل حق سي لوي كي لو ديز سي سي ان اوتر لا يا الهوى بعض الناس اي زون ربما دي بريسيون بعض الناس ربما كوم الى مونتخي الامام الشوكاني رحمه الله عليه الى مونتخي ان بعض الافاضل يغوشت الحق لانهم ils ont une manzila. Il est connu, il a un marquez, il a kada, il écrit des livres, il est connu. Si il admet qu'il s'est trompé dans kada, il pense que sa manzila va descendre. Donc, il n'accepte pas le haq. Sallallahu alayhi wa sallam. Hawa. Hawa. C'est un asbab. Adam, qaboul il haq, elles sont kathira. Asbab, Adam, qaboul il haq, elles sont kathira. Minha al-jahl, minha al-hawa, minha al-hasad, minha rubbama il est l'tabas alayhi. ربما إلا با سويفي لافير هذا لا بيرسون اي سيكارد سي اسباب اي اي في لي اسباب كي لو كي لومن باذن الله عز وجل كي لو بوسرو كومبروند الحق ان شاء الله يصرا في خير ولو الى با كومبري ولو الى نقص لان حجة عند الله لان الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم به من شيء وما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم سي تا في لي زيفور اي انكور des choses compliquées, عند الله تعذر وعند عباد الله الصالحين تعذر t'as pas compris. أما بعض الناس ils font pas des efforts. Ben ils combattent ceux qui font des efforts, ils comprennent pas. Attends, pardon, ils se plaignent. Pourquoi les mada vous dites كذا؟ يا أخي المسألة مسألة علم. C'est pas مسألة je dis ou tu dis. أنت tu dis des choses. Maintenant on peut dire des choses كذلك. لا المسألة elle est بالعلم. Celui qui veut العلم هذا هو العلم dans cette مسألة. Celui qui veut pas العلم فماذا نفعل له؟ قال اعلم وفقك الله أنه لا يمكن البتة أي أبدا أن تجد أو أن يجد جاد أن يجد جاد في المحاربة والصد والطعن فيما هم وإيا على عقيدة واحدة صحيح تدخل غزام يا جروب يسوا على حق يزور من عقيدة لمن منهج وهذا يفتو بقطع عن شغل أخر Et l'autre, il fait tout pour faire tomber la da'wah de l'autre. Abadan. Tu trouveras un des deux, il est forcément à la batil. L'an al-haq, il est wahid. Qala, wa tariq, wa da'wah, wa sabil wahida, wa innama yahsul hadha hina takhtalif al-tara'iq wal-madahib wal-manahid wal-ara' al-muqtadiya li dhalik. On a déjà lu kalam l'imam al-shatibi wal-sam'ani wa kathir fi hadhihi ar-risala par rapport à ce kalam. Le khilaf qu'il y a eu, c'est qu'il y a un problème dans des usul. C'est que cette division, ceux qui se sont divisés, ils n'ont plus les mêmes usul. Tu trouveras un groupe, il a les usul de Ahlul Haqq, lesquels au départ à Damaj, on était tous à la Haqq, bi shahadat Ahlul Ilm, Cheikh Mouqbil wa ghayruh. Thumma cette division, il y a un groupe qui est sorti min al-Haqq, ce qu'on appelle Al-Hizbiya. Hada. Alors, on étudie, c'est qui est sorti min hada? Qui c'est qui a fait tafarruq? Qui c'est qui a wala abaradayyak? Qui c'est qui a hajar au départ bila haqq? Qui c'est qui yat'an? Des calames graves. Ça y est, c'est ma'ana. Alors, le Cheikh Yahya, il est metsous, c'est un rafidhi. Hal ahad yakul bihada? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala fadahahum. Il y en a beaucoup de gens, ils disaient ça. Nous t'adjubna au départ. Probablement tu dis c'est واحد, un jeune, il a du hiqd, il est jaloux, ma yafham, il a dit ce kalam. Mais probablement tu trouves هذا واحد واحد il dit كذا واحد il est منسوب من اهل العلم il dit cette chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yafdah al mubtilin. Allah subhanahu wa ta'ala yassara li Cheikh Yahya fi hada zaman un jihad shar'i contre rawafid. Alors qu'il est accusé lui-même. Il est accusé lui-même. Wallahi ça sera un rafidi, il t'aura jamais vu le houthi tourner autour de Dammaj. Abadan. ابدا لماذا الحوثي دائما دماج دماج لان اي صافك عقيده التوحيد است عقيده السكور عرض الصحابه عائشه وغير عائشه رضي الله تعالى عن الجميع ولهذا واحد يميت يقول لا الشيخ يحيى سامت سوس سارافدي نعوذ بالله من الضلال si tu lui demandes un dalil la moitié d'un dalil un bout de dalil ma t'aura jamais rien رافدي c'est معروف وصول الرافضه c'est معروف. Comment tu compares هذا العالم الفاضل المفضل il a sacrifié beaucoup de choses pour combattre Rawafid lui-même il a accusé et si nous on répète si c'est vraiment un Rafidi c'est le hukm dites le Hajouri c'est un kafir c'est un Rafidi Metsous Rawafid c'est nos frères pourquoi vous ne parlez pas si c'est un Rafidi parle c'est un kafir Billah Azza wa Jal c'est un zindiq c'est un munafiq et tu nous montres avec les preuves حتى on s'écarte. أما هذا الرافضي الآن يبغى يسير جانب تجيشيلين نعوذ بالله من الانحراف. لكن بعض الناس ديك تبعد علم تبعد حجة تبى بعض الناس هكذا إذا سي صار رافضي ما تود ما الدليل إذا تخبيه. سي ست الدليل يدوا ست الحكم يدوا ست الحكم يدوا مونتري صار رافضي يا رافضي كي كي كي عند دعوة تدوا أبليكي الحكم لكن هيهات. قال فإذا رأيت من جرد لسانه في الطعن بأهل السنة ودعاة الحق والعقيدة السلفية والطريق الأثري من غير أن يكونوا قد بدلوا وغيروا نعم لأن قد يقول قائل mais vous vous critiquez فلان لا si la critique elle est fondée sur العلم et c'est un sunni وانحرف مثلا نحن الآن critique أبو الحسن بطيبة نفس لأن الحمد لله on connaît son égarement et on le démontre et il était à la sunnah ceux qui disent qu'il était à la sunnah et الآن الطعن فيه il est مشروع لأن يد أدلة علي حسن الحلبي c'était من تلاميذ الألباني الإمام رحمة الله عليه et الآن الطعن فيه c'est طيب لأنه c'est un مبطل فالح الحربي était compté من أهل السنة والآن التحذير منه c'est مهم لأنه c'est un مبطل لا في du شر يطعن في أهل العلم بلا حق وهكذا نحن سذاك وندي الباب الجرح إلى مفتوح. tant que c'est بعلم et tant que la niya est bonne pour préserver le din. طيب. أما بعض الناس طعن يا pas de دليل. يا pas de دليل. نحن الآن on parle pas de. il faut se taire là أبداً أبداً. لكن tu parles c'est بعلم. قال والطريق الأثري من غير أن يكونوا قد بدلوا وغيروا. بدلوا وغيروا. أي السني et il a fait aucune cause walillah alhamd pour que tu l'accuses d'être sorti de la sunna bal il est toujours à la sunna même aqida même manhaj t'as pas le droit de parler sur lui abadan lianna il a pas baddal il a pas changé il a pas gayri il a pas déformé il est à l'alhaq comme tu l'aimais avant il est toujours sur ce haq tu dois l'aimer toujours wa illa ton wala et ton bara il est pas lillah et l'an on fait la relation avec l'autre asl il cite un dalil comme quoi ashab dammaj ils ont changé Cheikh Yahya wa tullab. S'ils n'ont pas de délire, c'est que ce monde qu'ils ont l'âme, il n'est pas fondé l'Illah Azza wa Jal. C'est pas un wala et un bara l'Illah. C'est, il est dhayiq. Les livres, on les a toujours étudiés avant la fitna et après la fitna, les mêmes livres. Kitab Tawhid, Tahawiyya, Al-Wasitiyya, des livres ma'ruf, des livres de Cheikh Mouqbil. Après la fitna, les mêmes livres. Avant la fitna, on critiquait Abu al-Hassan, après la fitna, on le critique. Toujours le même manhaj. Avant la fitna, Rawafid il détestait Dammaj, après la fitna il détestait Dammaj. On n'a pas changé. Ça a toujours été la même chose. Si tu prétends qu'on a changé, hat dalil, wahed. Tu nous montres qu'on a changé fikada. Et inshallah, si c'est fondé à la ilm, tu trouveras bi'idnillah du qaboul. Sallallahu dhalik. Amma le kalam le fariq, il est fariq. Pardon, les gens ils ont des kalams et le hujja ne suit pas. Le kalam il n'est pas mu'tabar inda ahl al-ilm. Ou inda talabat al-ilm. Qala. وأحدث شيئا في دين الله الحق فذلك دليل انحرافه وزيغه وضلاله. Celui qui critique Ahl al-Haq alors qu'il a ce sahib haq, il n'a pas changé, il est toujours Ahl al-Haq, ça montre que celui qui critique il est Ahl al-Haq wa Zayg. Léana, c'est quoi qui le dérange? Un frère il est Ahl al-Sunnah, un frère il est Ahl al-Aqidat al-Salaf, un frère il est Ahl al-Manhaj al-Salaf. Pourquoi le critiquer? Ah non, on doit l'encourager, on doit s'aider entre, avec lui, on doit l'aimer billah. C'est pour ça que n'tabihu, dès que tu vois qu'un qui qu'il soit, yat'an fi sahib haq, khasatan s'il a une da'wa, khasatan s'il a du ilm, yat'an fi, entabih. Al rajul, s'il critique cette personne, bila haq, entabih, il a quelque chose. Léana, c'est quoi qui le dérange? Akhi, critique al-fussaq, il y en a beaucoup. Hada yashrub khamr, hada yfiz zina, hada yisabi comme un kafir, critique al-bid'a, ils sont bikatra. Hada c'est un ikhwani, hada c'est un qutbi, hada c'est un sururi, hada c'est un takfiri, hada c'est un ash'ari. Limada, tu critiques sahib haq, tu critiques sahib haq, fichim. Ne pensez pas que Wahid critique Sahib Haq, Wallah, voilà une critique minime. Ne pensez pas que l'amr il est sale. Khasatan si Sahib Haq il a rien fait. Khasatan s'il a une da'wa, c'est qu'il y a quelque chose. Imma Hassadi commence à rentrer, imma al-Hiraf, imma Dalal, imma il est plus d'accord. Hakada. Al-Bid'a ça commence petit. Al-Bid'a ça commence une petite chose. Abdurrahman al-Adani, t'as de courant dès qu'on a lu au début? Une petite chose au début. Une petite chose. Cheikh Yahya il est comme ça. Un petit pic. Thomas, il faut enregistrer. Au départ, il ne voit pas le mal. Il dit, ah, ça, il a dit une chose, on va essayer de réconcilier. Et il y a du char, là. Là, l'imada, il critique au départ. L'imada. As-sahaba, radiyallahu anhu, c'était un groupe, une umma wahida. Ils s'aiment, ils s'entraident. L'imada, nahnu, wahid, hakada, du jour au lendemain, et ta'an fi sahib khair. Qu'est-ce qui se passe, akhi? Tu trouveras qu'il y a du char. Et tu trouveras, hada. Hada, si je ne remets pas en cause, Allah, il ne le waffaq pas les tawbah, tu trouveras, il s'égarera, jittan, jittan. لأن في الحقيقة يكريتك صاحب الحق لأنه لا على حق. قال قال كما أثبت ذلك الواقع لأن نهاية كل محارب لأهل الحق وطاعن فيهم وصاد عنهم ذلك عنهم ذلك لأنه إنما يحارب ويطعن الحق الذي هم عليه لعدم قناعته به في الواقع. هذا تدخل واحد يكريتك أن داعي إلى الله ou des du'at, ou des machayikh, il n'a rien, il les critique, le haqqa, il n'est pas d'accord avec eux. Et il ne sait pas comment faire. On dit Abu al-Hassan, ou Abu al-Hassan, ou Falih al-Harbi. Au départ, Falih al-Harbi, ils pensaient qu'il était à la sunna. Il était à la sunna, mais il était à la sunna. Au départ, ils ont une haraf, ils n'ont pas compris. Pourquoi est-ce qu'il y a un mouqbil? Pourquoi est-ce qu'il y a un Cheikh Mu'taymin? Pourquoi est-ce qu'il y a un Cheikh Abdel Mohsin? Qu'est-ce qui se passe? حقيقة الرجل اللي تبدأ كور ثم ما يكمنس على فان اللي قرمان تكمقي الشيخ بن عتيمين سامميع الشيخ عبد المحسن سامميع إلى كريتك الشيخ الإسلام إلى كريتك بعض الصحابة الحرف حقيقة اللي تبدأ كور بك هذه العقيدة اسم منهج لماذا؟ لأنه هو إلى فين شدة يغلو إلى تبقى سابلاس إلى تبدأ كور بك أهل العلم سيكاري. أما au départ بعض الناس non c'est pas grave il a dit qu'une كلمة ربما il s'énerve là c'est fondé sur une حرف. Tu veux critiquer, critique Ahl al-Bida'a. Il y en a beaucoup. Et Tajid Haoula, en général, qui critique Ahl al-Haq, tu trouves son juhd qui, ma'a Ahl al-Batil, il est da'if. Prends l'exemple de notre fitna hadi. Ba'd al-Nas, on reprend l'exemple. Al-Hajouri, c'est un rafidi metsous. On lui dit, Tayyib, t'es sûr, t'as un dalil. Agis. Agis. Montre que le Hajouri, c'est un kafir, c'est un munafiq. Avec Adilla, n'aie pas peur. Tu le trouves, il y a eu la fitna. الحوثة حوثيين سيد رافض أين أنت الآن وللزم يا دي رافضي أنفاس تعال تعال فتوى بليزير صحيح تعال يلا يا دي كفر الآن كفر الآن on sait tous on enlève ce كفر avec الرافضة واحد يدي الرافضة لا نستحل دماءهم l'autre يدي vous allez à quitter vous allez à mariage l'autre يدي لا personne sort de mon مركز. Il est où le coffre de Rafida qu'on déteste tant? Ah là, ça vous montre l'imad, celui qui occupe son cœur tant via l'al-haq, il délaissera l'al-batil. يدل إسخاء أهل الباطل. قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Celui qui délaisse le haq au départ, Allah il tourne son cœur. Vous avez délaissé le haq au départ, djihad, un djihad chara'i, djihad al-rafidah. Et eux, vous avez remarqué que le qawm, hawla al-maftounin da'iman, il faut rester avec les kibar, il faut rester avec les grands savants. Al-ulama, Cheikh Rabi', Cheikh Abdel Mahsin Abbad, Cheikh Al-Fawzad, Cheikh Sahaymi, Cheikh Yahya, al-ulama, al-dunya, ils ont appelé au djihad. Vous étiez où avec l'ulama al-kibar? Aïna antum? Voilà le shay. بعضهم جزاهم الله خير قليل بعضهم ils ont bougé صدق لكن اكثر ما ولا شيء اين هذا صمون خلنا المساله لا فوندي sur le haq elle est pas fondée sur fulan et fulan. تامل الان لو يغوي اجهاد مثلا d'un autre cheikh au Yémen contre Rafida et cheikh Yahya n'aurait pas bougé والله والله ثم والله انهم ils auraient accusé de nifaq et de zandaqa. Ils auraient dit ah kufr il veut pas bouger il est avec eux. Ils auraient dit هكذا. هذا معروف. لكن قد الله nous أكرم بهذا لأننا هنا على حق. فسن على ما أننا هنا على حق لأننا هنا combattu à le باطل. الحمد لله c'est un jihad شرعي qui est نادر في هذا الزمن. Vous savez أنتم ولا الحمد لله أن الجهاد في هذا الزمن il est خليط كثير. أما إن جبهة سلفية صافية comme il y avait à Damas c'est قليل جدا. إن وجدت في هذا الزمن. Et مع هذا لا. Dès que c'était nous là, il faut pas bouger. Dès que c'est eux. La preuve, c'est qu'ils ont accusé Cheikh Yahya, Rafidi Metsous, il n'a rien fait. Il a combattu le Rav, le Rafida. Eux, ils n'ont rien fait. Anta, là, tu ne dois pas parler. Lakin, yawm al-qiyama. Nous, on dit ça, et en fait, on est mutma'innoun, jiddan. Wallah, la nubali. Alhamdulillah, on a l'habitude de ça, khalas. Alhamdulillah, ce qu'on a vécu à Dammaj. L'an, wahad, il dit haddadi, wahad. Ma nubali, tu m'apportes quoi? Tu m'apportes ni ilm ni dunya. Hada, nous, la nubali. Lakin, nous, on répète à haoula. لأن c'est des musulmans, c'est nos frères, et là نفرح نحن بانحراف فلان وعلان. لكن نحن لكون سيء لعل بعضهم يستيقظ أن يوم القيامة c'est pas simple. Tu penses que حجوري رافدي متسوس tu fais pas de توبة يوم القيامة ستقف بين يدي الله tu rendras des comptes. الله يتنتجرها تدي رافدي لماذا si c'est pas vrai tu vas faire quoi tu vas aller où. هذا كما قال عز وجل أين المفر يوم القيامة y a pas de مفر tu pourras pas fuir. بلي t'as prétendu une chose, dalil. Si t'as pas de dalil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: t'as dit, fil hajouri, c'est un rafidi, mais tu sais, si c'est pas vrai, t'as vu, il y a t'es pas au-dessus, anta ou la gayrouk. Tous des êtres humains, tous des bachars, tous des ibènes, on rendra tous des comptes. Voilà, t'as qu'à t'arriver le katra. Là, t'as qu'à Allah, il est à la kulishin qadir. 10 000, ils ont dit ça, Allah, il jugera le jami. Si les 1000, ils sont à la bâtel, ils sont à la bâtel. الله يدنغ الحق أسلك على حق ولو إذا توسل والله المستعان. قال والواجب قبل ذلك قال لأنه إنما يحارب ويطعن الحق الذي هم عليه لعدم قناعته به في الواقع كما سبق تقرير ذلك من كلام الشاطبي والسمعاني وغيرهما من أهل العلم تقدم كثير هذا. قال والواجب مناصرة الحق وأهله. هذا مهم. C'est مهم. حتى نحن انتبهوا. انتبهوا quand il y a un حق نصر له. انتبه de pas quand c'est certaines personnes je me tais. Quand c'est d'autres je parle. انتبه من هذا. والله ces personnes qui sont tombées dans le fitna, nous on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui c'est eux qui sont tombés dans le fitna, demain il y a une autre fitna. انتبه à ton cœur. انتبه. حق c'est حق. واحد يفعل du mal à ton cœur, quel qu'il soit. Il s'arrête, il y a un taqillah. Tu ne touches pas au frère tant qu'il est à la haq. Hakada, nous devons avoir ces habitudes. C'est ça, menadi ahli sunna. Alain, nous cite comme fondement, ya jama'a. Wal wajib munasaratul haqq wa ahlih. Le haqq, il soit vers une personne, qui qu'elle soit, cette personne. Qui qu'elle soit, cette personne, mansur al haqq. C'est muhim. Entabihu. Entabihu li hada. Les choses, ça va vite, on est fi dunya. Demain, une personne est taghayyar. Abdurrahman al-Adani, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il était à la haq. Il était fi dommage, c'était min al-mashayikh, min al-afadil. Il s'est égaré, wal-ayadu billah. Anta, ta aqida, tu dois avoir un comportement. Il s'est égaré, il ne veut pas revenir. Il est passé min ahl al-haq, il a ahl al-batil. T'as un comportement. Nahnu kadhalik, autour de toi. Anta, tu vois wahidi kada, tu dois avoir un comportement qui s'adapte. Limada, li anna tansur al-haq. C'est pas par rapport à la personne. Amma, c'est un ami, il fait du batil. Non, il faut patienter, il faut qu'il y ait un haq. patiente et montre le haq. Ama tu dérisses le haq, l'u'ba, patience, la yomfa. La yomfa. C'est pas de la patience, c'est du da'af. Faut pas confondre patience et da'af. Batil, c'est batil. Le prophète sallam qal, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu. Il a pas dit fal yasbir. Sah? Nabi sallam, il a dit chukuba munkar, il patiente. Là, chukuba munkar, il le change. Dès que tu le changes, patiente. Si une personne a fait du batil, on le conseille. Et on patiente. لكن كونساي اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك هذا سي مهم نحن سي تالي انا سي من الاصول سي با توجور ريغارد لي زوتر اي ديك سي نو لا لي زوتر اي نو نطبق لو بيس كون بو لا بيرسون في الدعاء مناصرة الحق سي مهم الحقيقه انا في زمن الخذلان والله انا دون زمن حق ربما ان بيرسون بروش دو توا والله يتلس تو سول فنحن نتق الله في هذا حق سي مهم parce que c'est foulain ou allan. On secourt le haq parce que c'est haq. Où qu'il soit ce haq. On est dans un zaman. On l'a vu, nous, avec le houthi. Ça fait des années, les personnes, ils parlent rafida, rafida, c'est des kuffar, rafida, rafida. Il y a eu un djihad. T'as vu ce qui s'est passé. Qalil min al nas min taharrak. Les madal y'a nas sont asli vihi khalal. Sont asli vihi khalal. La personne yantabih. Yantabih les dînes. Quand c'est haq, nsar. Et la personne, il délaisse le farag. Il délaisse les hujjaj hazila. Non, attends, il délaisse ça. Haq, c'est haq. Et la personne qui aime le haq, il va le défendre jiddan. Avec hikma, avec rifq, avec ilm, avec patience, tout ça. Lakin, la défense du haq, il faut qu'elle soit là. Ah, on délaisse et on invente des hujjaj qui n'ont rien à voir. Fahada, ça te fera du mal aujourd'hui, demain, ou qari. Qala, wal hathu ala l'ilm, wal khayr wal huda, kadhalik. كذلك الواجب مناصرة الحق وأهله كذلك العناية بالعلم لأن بعض الناس إلى غير بعض فهم الحق لأنه يكون خبر العلم تلمون فلان إلى على باطل إلى دي كذا يكون خبر إلى بعض العلم فالمناصرة صفاك العلم ستة العلم شو أكون خبر بوك وتشوز شو أكون خبر هذا سام مبطل لأن إلى خالف تل شوز سام مبطل تي على علم ما جهل يبيا يبى تقول نا on est des frères il faut pas vous diviser تي على علم أنت ce جهل tu vas lui montrer tu vas dire اجلس et tu lui expliques المشكلة الآن بعض الناس ont pas d'ilm et ça s'est transformé à watif. Pourquoi? Comment? Mais c'est un frère doucement. Mais c'est pas ça de din. C'est pas ça de din. Des fois de din, il faut aller rapidement. C'est pas forcément doucement. Des fois de din, il faut avoir de la fermeté. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un yardab, il devenait rouge. Il a pas dit là, c'est nos frères. Avetan, quand il y a un yardab. C'est ça de din. Din, on doit le prendre min jami' al-jawanib. Amma wa'ad al-nas, ahiyana al-hawa. Il n'arrive pas, il est faible, il te fait passer. Non, il faut de la hikma. Il craque, il faiblit, il s'énerve. Là, c'est pas ça le din. Le din, c'est bil adillah, bil ilm. Lakin, la mas'ala, elle tourne autour du ilm. Si il n'y a pas de ilm, il scotte. Et il fait des efforts pour l'ilm. Parce que là, nous, petits, grands, femmes, enfants, tout le monde parle. Le din, c'est fondé sur l'ilm. Ceux qui parlent, c'est l'ulama. Talabat l'ilm, et on choisit, il est où le haq. عالم يستخدم بوندي شيخ فلان سان فاضل يسي ترومبي اون روفيان العلم اما مشكله الان مصيبه ميم ربما دي زونفون الان يبارل قال والحث على العلم والخير والهدى لا الصد عنه لا با با كومباتر سي شوز سي بور سا الميزان سي العلم مي فيو كون دون زمان الان الميزان سي بلو العلم ربما عالم من الافاضل بعض الناس يدرس سون كلام اي بخان ان اوتر لماذا باسكو سون ميزان سي بلو العلم Il va dire là, pourquoi t'as pris ce qu'aul? Là, bah, ya akhi, tout le monde le dit. Sur les zènes, c'est pas le ilm, c'est tout le monde. Ou, ya akhi, ce qu'aul, regarde, étudie, il est plus proche de la vérité. Mais non, akhi, ce chir, ça fait 50 ans, il est dans le ilm, il est plus ancien. Sur les zènes, c'est pas le ilm. Est-ce qu'un ancien, il a toujours raison? Ou il a forcément raison par rapport à une personne qui est plus jeune que lui? Ça, c'est pas un mizan, ça. Ebeten. Mizan, c'est l'ilm. Ça peut être un jeune et il a le haq. Ça peut être une personne, il a un niveau beaucoup moins dans l'ilm. Lakin Allah, il l'a wafak, il a haq dans cette mas'ala. Hada, c'est mohim. Oh, wa'adan nas. Non, mais les savants de tel pays, ils ont dit. Hein, c'est plus le haq, c'est tel pays, l'an. Là, le haq, c'est le haq, il a pas de frontières. Ebeten. Ça peut être un pays, ils ont tort. Et un autre pays, les ulama, ils ont raison. Hada. Lakin le mizan, il faut que ça soit quoi? L'ilm. Pourquoi nous, d'ailleurs, on appelle faire des efforts l'ilm? Là, c'est ça le mizan. Wallah, il t'appelle l'ilm. Même t'as une bonne niya. Ça t'attrape jiddan, jiddan. Il y en a l'outil, c'est l'ilm. Comment l'un attaque, tu vas comprendre une fitna? Il faut du ilm. Il faut que tu étudies. Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est quoi les usul? Si tu sais pas, maintenant, c'est quoi un asl? Il va te dire, on lui reproche qu'un peut-être toi, tu vas dire, ah, c'est vrai. comme ils ont dit بعض الناس, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Abd al-Rahman? صحيح, il est مخطئ, لكن on dit pas que c'est un hizbi. T'aurais compris c'est quoi son khata et c'est quoi mukhalafat al-asl. Et manhaj al-ulama la mukhalafat al-asl, yakfi wahid, ça le fait sortir de la sunna, s'il revient pas, t'aurais compris le jugement hizbi. لكن vu que tu comprends pas ces choses, il dit un khata, pour lui on dirait il a fait un petit khata, il te dit ah il est khata, il faut patienter. Même on patiente, mais tu dois patienter avec les nas aussi, t'as pas le droit de laisser s'égarer. Et d'où le bayan les nas? Tu patientes un temps et tu laisses les gens s'égarer. Taqillah, tu dois montrer. Et on patiente. T'inquiète pas, si tu montres, il faudra de la patience. Il y en a barre de nas, ils vont. Allah, on est dans un zaman, Allah i'in. On est dans un zaman, sallallahu alayhi wa sallam. On est dans un zaman, on a l'ilm, c'est devenu là, c'est, il faut pas. Tu dois absolument suivre. Là, là. On suit le haq, on a suivi Foulan. À l'époque des salaf, c'était hakada. À l'époque des salaf, personne ne suivait aveuglément Foulan. Et celui qui suivait aveuglément, il y a un taqad. Il y en a eux, le mizan, c'était le haq. Marra wahad, il est venu عند l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. Il a qu'à chauffer mas'ala. Et il a fait comprendre à l'imam Ahmed, Soufiane Thawri, il a dit. La chouba qu'on a dans le zaman. L'imam Ahmed, il a un imam en face de lui. Imam Ahl al-Sunnah, il a du ilm jiddan, l'imam Ahmed Ma'rouf. L'imam Ahmed il le cite. L'akhir il ne peut pas répondre. L'imam c'est une personne, il n'a pas le ilm de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed il a eu très vite le dessus. Il a voulu bloquer l'imam Ahmed avec une hujja. Mais Soufiane al-Thawri il a dit, chauffe. L'imam Ahmed il lui a dit, je te dis, قال Allah, قال Rasoul. Et tu me dis, قال Soufiane al-Thawri. C'est ça l'ilm, c'est ça le din. C'est ça. Alors je te dis, قال Allah, قال Rasoul. Tu me dis, قال Soufiane al-Thawri. Alors je te dis, قال Allah. On fait comment? À la chaque on fait passer Allah Azza wa Jalla qu'au Rasoul. Un autre, il est venu à l'imam Ahmed et il lui a. C'était Masalat Hajj al-Tamattu'. L'imam Ahmed, il avait la vie, à l'avdal, c'est Hajj al-Tamattu'. Et il a accroché cette personne et cette personne, elle lui dit, mais Foulan. L'imam Ahmed, il lui dit, j'ai 11 hadiths, je vais les laisser pour Foulan. 11. 11 hadiths, il lui cite, fait Tamattu'. Il lui dit, je vais laisser 11 et on va suivre Foulan. C'est pas ça le din. Est-ce que l'imam Ahmed l'a dit là, faut patienter, il faut respecter ces ulama. Là, il faut revenir, respecte le haq. Et si tu respectes le haq, tu respecteras ahl al-ilm. Ils sont à la haq. Lakin hada, c'est ce manhaj l'an qui manque. C'est ce manhaj. Bad al-nas l'an, celui qui c'est ce manhaj, pour eux, c'est. Il est dur, il est kadalas. C'est toi qui as délaissé. Ni moi, ni toi. On suit. On revient au asl. Le fondement, c'est quoi? As-salaf. Et on s'accroche. Ah, mais ta parole passe avant la mienne ou la mienne avant la tienne, c'est pas ça de dire. Anna, je suis un miskin, t'es un miskin. Laquelle on revient à Haoula. Est-ce que Salaf, il disait, il faut prendre la vie du plus vieux? Est-ce que Salaf, il disait, il faut prendre la vie du plus nombreux? Attahaddak, tu nous cites un nas, min a'immat al-sunna. Qala. Dahaba al-waqt. Wa ana ta'ibt. Demain, on reprend wal-wajib. Munasara al-faqar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين